بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. On continue avec l'explication ici de Sourate Luqman et on reprend à partir du verset 12 rapidement en arabe et en français et on continue l'explication بإذن الله سبحانه وتعالى du verset numéro 13 et on va débuter le verset numéro 14 إن شاء الله. قال جل جلاله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله عز وجل dit, nous avons effectivement donné à Luqman al-hikma, la sagesse. Sois reconnaissant à Allah Azza wa Jal, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est un grand, en vérité, Allah Azza wa Jal se dispense. Allah subhanahu wa ta'ala se dispense de tout et il est digne de louange. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, Ya bunay, la tushrik billah. Oh mon fils, ne donne à Allah Azza wa Jal aucun associé. Ne donne pas d'associé à Allah Azza wa Jal, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Et on avait parlé de ash-shirku billahi azza wa jal, et on avait dit que ash-shirku billahi azza wa jal était de deux formes. Il y avait la grande association et la petite association. Et on avait dit que celui qui était tombé dans la grande association, shirkun akbar, il sort de l'islam et toutes ses actions sont annulées. Tandis que celui qui tombe dans la petite association, il ne sort pas de l'islam, walakin son action ici est rejetée. Et on va le voir maintenant ici, ce que je viens de citer ici, c'est-à-dire que son action est rejetée dans les détails bi'idnillahi azza wa jal. Ici, on avait parlé longuement aussi de la petite association. On avait dit que c'était al-riya, l'ostentation. Iradatul ibad bi ta'ati rabbil ibad ou bi ibadati rabbil ibad. C'est le fait ici d'attirer l'attention des gens, ici de vouloir l'agrément des gens à travers quoi? Des actes d'adoration. D'accord? À travers des actes d'adoration légiférés bien sûr par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens utilisent as-salah, ils utilisent as-zakat, ils utilisent ici al-hajj, ils utilisent al-umra, walakin simplement pour attirer l'attention des gens. Ils donnent as-zakat, ils font la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour les gens aussi, d'accord? Où ils ont donné une partie de zakat pour Allah et une partie pour les gens, comme on va le voir dans les détails. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que al-amal, l'action, ne doit être exclusive que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il t'a été certes révélé, c'est-à-dire à toi Muhammad alayhi salatu wa salam, ainsi que ceux qui t'ont précédé, si tu donnes quelconque associé à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu associes à Allah Azza wa Jalla, ici tes actions seront vaines. Et en plus de cela, Allah Azza wa Jalla dit wa la takunanna min al-khasirin, tu seras certes parmi les perdants, wal iyad billah. Et on avait rappelé que parmi les personnes ou les premières personnes qui rentreront en enfer, c'est des gens qui ont accompli des œuvres louables, walakin pour autre que Allah Azza wa Jalla. Ils cherchaient la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a cité le hadith rapporté par Muslim quand on a parlé du martyr, quand on a parlé de celui qui a appris la science et l'a transmise et celui qui a donné beaucoup d'argent. D'accord? Ils ne l'ont pas fait fi sabilillah azza wa jalla, mais pour que les gens disent, un tel est un homme courageux, un tel est une personne qui a beaucoup de science, et un tel est une personne généreuse, et il a été dit, Allah ordonnera aux anges de le prendre et de le traîner, et de le jeter en enfer, wal'ayyadhu billah, a'adhan Allah wa iyyakum minan nar. Ici, Fudayl ibn Iyad radiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala, ce grand, ici, Asset, il a parlé de, ici, ceux qui, ou le comportement de ceux qui sont dans riya, l'ostentation. Et ils rappellent qu'ils aiment qu'on cite leur nom, qu'on les évoque. Et ils rappellent Fudayl, radiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Ils rappellent ces paroles qui valent plus que de l'or. Et il dit, Man ahabba an yudhkara lam yudhkar. Man ahabba an yudhkara lam yudhkar. Celui qui aime qu'on le cite, qu'on l'évoque, il ne sera pas cité, ne sera pas évoqué. Man ahabba an yudhkara lam yudhkar. وقال رحمه الله تعالى ومن كره أن يذكر ذكر ومن كره أن يذكر ذكر. Et celui qui déteste, qu'il n'aime pas qu'on le cite, qu'on l'évoque, il sera cité, il sera évoqué. D'accord? فضيل الجي رضي الله عنه وارضى من أحب أن يذكر لم يذكر ومن كره أن يذكر ذكر. Celui qui aime qu'on le cite, il ne sera pas cité, il ne sera pas évoqué. Celui qui n'aime pas cela, mais il veut et il cherche principalement qu'il soit, yani, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément d'Allah azza wa jal, certes, il sera cité, il sera évoqué. Celui qui cherche à travers ses actions, ses actes d'adoration, la célébrité, la notoriété, فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ, il ne connaîtra ni célébrité ni notoriété. Celui qui cherche des biens d'ici-bas, comme de l'argent, al-mal, ici à travers ses actes d'adoration, فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ, ici ses actes d'adoration, non seulement ils ne lui apporteront ni richesse et ni notoriété, mais ça sera peut-être la cause de son humiliation ici-bas et dans le delà, et de sa pauvreté ici-bas et dans le delà. Pauvreté, je parle de la pauvreté financière et la pauvreté du cœur. Tandis que l'autre personne qui cherche l'agrément d'Allah Azza wa Jal, ici certes il sera cité. Il atteindra une certaine notoriété et par la cause de ses actes d'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera son rizq, sa subsistance. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Celui qui craint pieusement Allah Azza wa Jal, on lui donnera des issues favorables et on lui donnera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Et concernant cette notoriété qu'il aura acquis à travers le fait qu'il cherche à satisfaire Allah et pas les gens, comme il a dit Fudayl ibn Iyad radiyallahu anhu wa arda, من أحب أن يذكر لم يذكر ومن كره أن يذكر ذكر. Donc il faut faire très attention à cela, chercher l'agrément des gens. Je suis le meilleur, je suis le plus intelligent, je suis le plus savant, je suis, et vous n'êtes rien, vous êtes les moins savants, vous êtes les plus ignorants, vous rabaissez les gens, tout en oubliant la parole du prophète alayhi salatu wasalam, la maqala alayhi salatu wasalam kama ja'a fi sahih muslim, man tawada'a lillahi rafa'a. Celui qui agit avec humilité, modestie, avec rabaissement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, certes Allah azza wa jal bisababi thalik rafa'a, Allah azza wa jal va l'élever bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Rapporté par l'imam muslim aussi, Allah azza wa jal il dit dans un hadith qudusi, Allah azza wa jal il dit dans un hadith qudusi, il met en garde contre le fait de faire une action, d'accord, ici peut-être pour Allah subhanahu wa ta'ala quelque part, mais en grande partie aussi pour les gens, pour se montrer devant les gens, embellir sa prière pour les gens. Je fais pour Allah, mais aussi pour les gens. Il dit, Allah Azza wa Jal, dans ce hadith Qudusi, je me passe d'associer, et celui qui accomplit une action m'associant quelqu'un, je le délaisse ainsi que son action. D'accord? À celui qu'il aura associé à moi. Donc, je le délaisse. Taraktuhu wa shirkah. Kama qala alayhi salatu wassalam an rabbil izzah. Fait le hadith rawahu muslim. Je le délaisse, lui et son action. Donc son action, elle est rejetée. Wal'iyadu billah. Celui qui fait une action, amal, lillahi azza wa jal wa linnas. Il fait pour Allah et pour les gens. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rappelle que tu dois l'adorer que lui exclusivement. As-salah, c'est pour Allah azza wa jal. Al-dhabh, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ici ta vie c'est pour Allah Azza wa Jal, ta mort c'est pour Allah Azza wa Jal. قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات لله رب العالمين. Il n'a pas dit Allah pour d'autres. Dit ici قل إن صلاتي ma prière ونسكي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممات. Mes actes de dévotion, le sacrifice, ma vie, ma mort ne sont que pour Allah Azza wa Jal, Seigneur des mondes ou de l'univers. Et ici, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, fi sahihain, le prophète alayhi salatu wasalam nous met en garde encore contre ar-riya, iradatul ibad bi ta'ati rabbil ibad, ou qul in shi't iradatul ibad bi ibadati rabbil ibad. Quiconque fait parade de ses œuvres par ostentation, comme a dit alayhi salatu wasalam. Quiconque fait parade de ses œuvres par ostentation, Allah subhanahu wa ta'ala dévoilera ses intentions, corrompu le jour de la résurrection, et fera éclater son scandale devant les gens, wal'iyadu billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va le scandaliser, il va le fdah, fi dunya wa fi l'akhira. Fi dunya amam al-nas, devant les gens, comme a dit alayhi salatu wasalam. Allah, il va le scandaliser devant les gens. Et au jour de la résurrection, il sera scandalisé aussi. Donc ici, cette personne-là qui fait parade de ses actions devant les gens, il embellit ses actions devant les gens, il montre une bonne image devant les gens, il montre qu'il est pieux, il veut ici utiliser des préceptes religieux pour attirer ici une certaine autorité ou gagner une certaine autorité, gagner de l'argent, gagner ici les éloges des gens, Allah Azza wa Jal va le scandaliser. Ça c'est obligatoire, ça c'est ici un ordre ou plutôt ça c'est un engagement qu'Allah Azza wa Jal a pris. Allah subhanahu wa ta'ala le scandalisera ici-bas et dans le-delà. Ici-bas, devant les gens. Man aasha ala shay'in mata, mata alayh. Wa man mata ala shay'in, bu'itha alayh. Ah, vous voyez, comme a dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, cette parole qu'on répète très souvent pour que les gens n'oublient pas quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il scandalise les gens. Et qu'on doit être sincère. Et qu'on œuvre que pour l'Illahi Azza wa Jal, wahdah, l'unique. Ici, si toi, tu agis avec ostentation devant les gens, sache qu'Allah, il te scandalisera. Et tu mourras scandalisé et tu ressusciteras auprès d'Allah Azza wa Jal scandalisé. Et il n'y a pas une personne qui arrive à s'en sortir. C'est-à-dire, il fait des actions ici pour se montrer, d'accord, en montrant, soi-disant, que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il meurt alors que tout le monde fait ses éloges alors qu'il est mort d'une bonne fin. Non, non. Allah Azza wa Jal le scandalise avant qu'il rencontre son Seigneur tabaraka wa ta'ala alors qu'Allah Azza wa Jal est en colère certes contre lui. Ici, c'est pour ça que nous mettons en garde sincèrement et sérieusement comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a fait contre ar-riya, l'ostentation qui est la petite association, qui est l'association cachée. Maintenant, quelqu'un qui va nous dire dans la même action, si on réunit al-ikhlas wa al-riya, d'accord, fi nafs al-amal, hal yuhbitu al-amal am la, est-ce que l'action est annulée ou pas? Dans la même action, ici tu réunis l'ostentation et la sincérité, d'accord, est-ce que l'action elle est annulée ou pas? Ici il y a plusieurs paroles de gens de science et il faut bien comprendre le sujet. On va donner certains exemples. Awalan, بِإِجْمَعِ الْعُلَمَاءِ à l'unanimité des savants. Celui qui prie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ou bien qu'il fait une action pour autre qu'Allah azza wa jal. Bien qu'il soit musulman, il soit croyant. Il n'est pas tombé dans النفاق الأكبر, dans la grande hypocrisie. Il ne sort pas de l'islam. C'est-à-dire, ici, il prie, il adore Allah azza wa jal. En règle générale, il prie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il croit sincèrement en Allah. Il croit au prophète alayhi salatu wa salam. Il est musulman. Walakin, il a fait une action. Ben, on va prendre un exemple pour que ça soit clair. Une action surérogatoire. Il va faire rak'atayn, par exemple. Deux rak'at. Il va les faire, ça rentre dans salat at-tatawwa, an-nawafil. Surérogatoire. Il va les faire depuis le début juste pour se montrer devant les gens. Il rentre dans une assemblée, il rentre dans une mosquée. Il n'allait pas faire ces deux rak'at, mais il dit, bon, je vais les faire pour me montrer devant les gens. Walakin, en règle générale, il prie pour Allah Azza wa Jal. Il est sincère. Mais ces deux rak'at-là, il les a fait pour les gens. D'accord? بِإِجْمَعِ الْعُلَمَا, s'il a commencé cette action, d'accord, et il l'a faite depuis le début jusqu'à sa fin pour les gens, ici cette action elle est rejetée. هَذَا بِإِجْمَعِ الْعُلَمَا, cette action elle est rejetée. Est-ce que toutes ces actions sont rejetées? Non. Pourquoi? On a dit quoi? Seul celui qui est tombé dans la grande association shirkun akbar, toutes ces actions sont annulées. Walakin, lui non, c'est cette action qui est rejetée. Ça c'est le premier des cas, on est d'accord. Le deuxième des cas, ici, quelqu'un qui va prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. يَبْدَأُ الصَّلَاةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ. On est toujours dans la prière surérogatoire, par exemple. Il rentre, il fait deux unités de prière. Il les prie pour Allah subhanahu wa ta'ala. فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Ou alors, il donne une aumône pour Allah عَزَّ وَجَلَ. Là, on reste dans la prière pour bien comprendre le sujet. Il commence sa prière فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَ. قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. MashaAllah. وَلَكِنْ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ, au milieu de la prière, dans la prière, ici, l'intention, ou plutôt, il y a ces suggestions sataniques. Une certaine ambiance qui le pousse à quoi? À changer d'intention. Il y a des gens qui commencent à rentrer dans la mosquée, par exemple. Ou dans l'endroit où il est en train de faire la prière. Et Shaitan commence à lui dire, et son âme, an-nafsu la'ammaratun bisu, l'âme instigatrice au mal, le pousse ici à vouloir embellir sa prière. Mais il l'a pas embelli depuis le début. Il a embelli sa prière. On est d'accord. Il a commencé à embellir sa prière. Et ici, quand les gens ont commencé à le voir ou parler de lui, et c'est au milieu de la prière. On a dit, il a commencé la prière? Sincèrement. Ici, les savants, il y a qawlayn min ahli al-ilm, il y a deux paroles. Ils disent, si pendant que lui vient ses mauvaises suggestions, et quand ça lui vient le fait de vouloir embellir sa prière, si il combat ses mauvaises pensées, d'accord? S'il combat cette mauvaise voie, cette mauvaise pratique qui est ar-riya, l'ostentation, il combat avec, il dit a'udhu billahi minash sharrim. Ici, il souffle trois fois sur le côté gauche, comme le prophète a enjoint à Uthman, un des compagnons, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. de faire quand les suggestions sataniques le viennent. C'est-à-dire, il montre qu'il n'est pas d'accord avec ce changement-là, avec cette proposition satanique. Et il combat, il dit, « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », il essaie de se concentrer, il dit, « Non, il ne faut pas que je le fasse. » Il combat, et ici, il est en train de combattre cette chose-là, jusqu'à ce qu'il finisse sa prière. Sa prière, ici, elle est acceptée, « bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala ». D'accord? Parce qu'il n'a pas voulu ça, walakin, il a eu ses suggestions. D'accord? Et tout le monde a des mauvaises suggestions. Quelquefois, Shaitan, il va te dire, fais une chose mauvaise. C'est pas parce que Shaitan te l'a dit, tu y as pensé, que tu vas être châtié. Quel est ton comportement? Est-ce que ici, tu as confirmé et tu as mis en application ces mauvaises suggestions, ou tu t'en es écarté? Et tu t'es protégé de ces mauvaises actions à travers, ici, des paroles que le prophète alayhi salatu wassalam et qu'Allah azza wa jalla t'ont donné, comme a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amantu billah, etc. Yani, tu as fait les causes pour t'écarter de ces mauvaises suggestions. Donc ici nous disons, si tu as combattu ça, tu dis non, tu n'es pas d'accord, tu n'acceptes pas, tu n'agrées pas, ta prière elle est quand même acceptée, même si ça t'est venu ces mauvaises suggestions, et ça ici tu as eu la pensée et tu as eu l'idée de vouloir embellir ta prière, mais tu as combattu ça. Khalas, on est d'accord. Maintenant tu as commencé, troisième cas, tu as commencé ta prière sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. On est d'accord, tu commences ta prière pour Allah azza wa jalla. Walakin fi athna is-salah. Au milieu de la prière, dans la prière, pendant la prière, khalas, des gens rentrent, ils commencent à te regarder. Khalas, tu commences à mettre mieux le qabd, tu commences à prolonger ta prière, tu commences à embellir ta prière. Walakin tu ne combats pas ça. Tu agrées ça et tu restes comme ça. Tu dis non, je reste comme ça et je continue à embellir ma prière. Parce que quelque part ils me regardent et parce que les gens te voient là. Ah, tu es considéré par le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a dit quoi? La chose que j'ai le plus peur pour vous, c'est, et j'ai plus peur pour vous de cela que quoi? La fitna de Masih ad-Dajjal. C'était quoi? Le prophète il a parlé de quoi? Shirkul khafi. Ils ont dit, c'est quoi shirkul khafi? Le prophète alayhi salam il a donné l'exemple de qui? Une personne qui se lève pour faire la prière. Et pendant la prière, quand il voit les gens qui le regardent, quand tu vois, il voit les gens autour de lui, il embellit sa prière. Ah, il embellit sa prière. Donc tu es considéré par ce hadith-là, wal'iyadu billah. D'accord? Le prophète alayhi salam, il a dit, je crains cela plus, pour ma communauté, plus que la fitna de le Masih ad-Dajjal. Parce que le Masih ad-Dajjal, ça va venir à une époque. Ça va toucher un groupe de personnes, bien que ça soit une des plus grosses épreuves. On est d'accord? Walakin, ça va toucher tout le monde et à toutes les époques. Ou ça peut toucher tout le monde et à toutes les époques. D'accord? Ça peut toucher tout le monde et à toutes les époques. Et ici, c'est une chose qui, l'insan n'est pas à l'abri. Même s'il est pieux, même s'il est vertueux, même si c'est un savant, tout le monde, ça peut lui venir. C'est pour ça que nous avons dit, ce n'est pas parce que ça te vient, ces pensées-là, que c'est khlas, tu es tombé dans shirkul khafi. Non. Si tu les combats, khlas, la ba's, inshaAllah ta'ala. Walakin, si tu approuves, tarda bidhalik wal iyad billah, tu agrées cela et tu es satisfait de cela, enfin ici à ce moment-là ton action elle est rejetée, wal iyad billah. On est d'accord, ça c'est dans le cas où tu es dans la même action, tu es dans la même action. Ici on parle du fait de savoir, est-ce que si j'ai prié la première rak'a lillahi azza wa jalla et la deuxième ce n'est pas du tout, c'est avec ostentation. D'accord? Est-ce que la première, elle est acceptée et la deuxième est rejetée? Ou alors est-ce que c'est toute la prière qui est rejetée? Mohamed? Qawlu rajih min ahli al-ilm, c'est qu'elle n'est pas acceptée. À une condition. C'est la condition où la prière ici, ou alors on va parler de l'acte d'adoration, est lié au commencement sans interruption, ou plutôt sans pause. D'accord? Donc à ce moment-là, on est dans la même action, où il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de pause, dans le même acte d'adoration. D'accord? Tout est lié. Donc c'est-à-dire la fin est liée au début. Si tu commences la prière, on est dans la même prière. Si à la fin de la prière tu as al-riya, ça annule toute ton action. D'après la parole du prophète alayhi salatu wassalam, quand il a parlé de la petite association, et on sait que la petite association ça annule l'action. Et il a dit que ici c'est le fait que la personne embellisse, mais au début il ne l'a pas embelli pour les gens, mais il a embelli après. Donc toute l'action est rejetée. car on comprend que la petite association annule l'action même. Walakin, si ça concerne ici un acte d'adoration, mais qui n'est pas lié sans pause. D'accord ? C'est par exemple, on va prendre le cas de, il y a une séparation. As-siyam, le mois du Ramadan, le jeûne du Ramadan. D'accord ? On parle de siyam, Ramadan, le mois du Ramadan. Ici, c'est un mois. Ce mois-là, quand on parle de ce mois-là, on parle du jeûne du mois du Ramadan. Le jeûne du mois du Ramadan est un acte d'adoration, on est d'accord. Walakin, ici, est-ce qu'il y a une interruption, une pause entre chaque jour de jeûne ? Ou est-ce qu'ils sont liés tous les jours ? Ils sont pas liés. Il y a une pause, sinon, ça voudrait dire qu'on jeûne sans jamais manger. Ils ne sont pas liés. On parle du mois, walakin, chaque jour a une interruption. On commence le matin, on finit le jour du jeûne, le soir. Donc on a un début, on a une fin. Donc ici, mais on est toujours dans le même mois. C'est si on veut quelque part de façon générale un acte d'adoration, le jeûne du mois du Ramadan, mais il n'est pas lié sans pause. Il y a des interruptions. C'est pour ça qu'il y a une divergence entre gens de science. Certains gens de science disent que tu dois renouveler l'intention avant chaque journée. Voilà qu'il c'est un acte d'adoration, il suffit de mettre une seule qawl rajih min ahli al-ilm, la parole la plus prépondérante des gens de science, c'est al-jumhur. Ils disent tu mets une seule intention pour tout le mois, d'accord, du mois du Ramadan, sauf s'il y a une interruption, par exemple pendant 3 jours, 4 jours, tu n'as plus pu jeûner parce que tu étais maladroit, tu veux recommencer, donc à ce moment-là tu renouvelles l'intention. Donc à ce moment-là, nous disons ce n'est pas pareil, d'accord, il y a des interruptions. Par exemple, c'est simplement pour vous montrer la différence entre une prière qui n'a pas d'interruption et un acte d'adoration, il y a des interruptions. On va prendre un cas concret. Quelqu'un qui va avoir par exemple 100 euros. Il dit, moi je vais donner les 100 euros. Ah, on parle d'un seul acte d'adoration, ici d'une seule action. Il dit à la base, je vais donner 100 euros fisabilillah. Il prend 50 euros par exemple, il va les donner fisabilillah azza wa jal. Et ce qui est demandé en islam, le principe de base quand on donne des aumônes, comme le prophète alayhi salam l'a dit, la meilleure des aumônes, c'est celle qui est donnée de la main droite, d'accord, d'une façon tellement discrète que la main gauche ne sait pas la quantité qu'il y a dans la main droite, c'est-à-dire de façon très discrète, d'accord, sans se montrer devant les gens, etc. Comme Allah Azza wa Jalla a interdit de, et nous a mis en garde sur le fait de répéter les actions qu'on fait, sinon ça allait annuler nos actions, le fait de répéter toujours j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc. Donc ici, tu donnes cet aumône-là, fi sabilillah Azza wa Jalla. Ça ne veut pas dire que tu le fais devant les gens, dans tous les cas, l'annuler. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Non, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran al-Karim, il parle de سِرًّا وَعَلَانِيَة. Quand il parle de الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, d'accord, il dit ce qu'ils le font سِرًّا وَعَلَانِيَة. Il dit ce qu'ils le font discrètement et ouvertement. Quand il y a des raisons pour motiver les gens de donner, tout tu le fais ouvertement, c'est mashallah. Mais le règle de base, tu le fais ici discrètement. Toi, tu vas donner 50 euros. Fils Abillah, ton intention est bonne. Et il te reste 50 euros. Tu allais donner à une autre personne pauvre, mais cette personne, tu as vu à ce moment-là où tu allais donner, il y a des gens qui t'ont regardé. Tu t'es dit, là je vais montrer, je vais ralentir pour que les gens, il y a plus de monde qui me regarde encore plus. Ouais, il y a plus de monde, khlas, tu les donnes. Est-ce que, à la base, tu voulais donner 100 euros, fils Abillah ? D'accord ? Fils Abillah, tu voulais donner les 100 euros. Mais tu as donné de façon à deux personnes différentes. Les premiers 50 euros, tu les as donnés à une personne, fi sabilillah. Les deuxièmes 50 euros, tu les as donnés avec ostentation. Est-ce que les 100 euros sont annulés ou pas? Il y a une interruption ou pas? Il y a une interruption. D'accord? Si tu avais donné les 100 euros à la même personne, et que pendant, au début c'est fi sabilillah, mais il y a des gens qui commencent à me voir, attends, je vais attendre un peu. Et pourtant au début c'était fi sabilillah, et du monde, je les donne les 100 euros. Ton action elle est annulée ou pas? À l'annuler, parce qu'il n'y a pas d'interruption, c'est la même action. D'accord? Les 100 euros que tu as donné, au début c'était fi sabilillah azza wa jal, walakin fi athna il amal ja'aka riya. D'accord? Fa hadha al amal yuhbit. Il n'y a pas la shakka fi dhalik, il n'y a pas de doute là à ce moment-là. Ici, qawlur rajih min ahli al-ilm, cette action, les 100 euros sont dans le vent. Mais si tu as donné 50 euros, c'était 100% fi sabilillah, il y a une interruption, tu redonnes 50 euros à une autre personne, walakin là, quand tu allais les donner, l'ostentation est venue, les premiers 50 euros, ils sont fi sabilillah azza wa jalla inshaallah ta'ala. Walakin les deuxièmes qad dakhala ar-riya fi hadha al-amal fa hadha al-amal muhbit, ici il est annulé. Clair? Ça c'est le deuxième cas. Donc il faut bien comprendre la question de al-ikhlas wa ar-riya. D'accord? Wa hadha bi-ikhtisar. Ça c'est sans rentrer trop dans les détails, plusieurs exemples sinon on va s'embrouiller. Le premier cas, on a dit La personne, il commence, ce n'est pas fi sabilillah, c'est pour se montrer. Ton action, elle est rejetée bi ijma'il ulama. D'accord, il a commencé qad bada as-salah lillahi azza wa jalla lin-nas. D'accord, jusqu'à ce qu'il soit dit, oh un tel, il est mashallah, etc. Dieu, je vais faire un peu pour Allah, voilà, mais surtout pour que les gens disent il est pieux. Ton action, elle est rejetée. La deuxième personne, il va commencer fi sabilillah azza wa jalla. يبدأ هذه الصلاة لله عز وجل ولكن في أثناء الصلاة قد دخل الرياء rentré ce mal, cette maladie ici qui est الرياء, l'ostentation. S'il combat, يجتهد, il fait des efforts, il dit أعوذ بالله من الشيطان, يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم, il fait des causes et il combat, il n'est pas d'accord avec ça, il fait des combats, son action, c'est-à-dire sa prière, elle est authentique, elle est valable inshallah ta'ala. S'il ne combat pas, il apprécie, il continue à s'embellir, sa prière, elle est annulée. Ça, c'est dans la même action. On est d'accord. Dans la même action où il n'y a pas de pause, c'est la même action, sans interruption. Elle est liée du début à la fin. Claire ? Du début à la fin, tu es dans la même action. Sans interruption, sans pause. Au début, il t'est venu, tu as la sincérité. Après, il t'est venu, al-riya. L'action, elle est rejetée. Maintenant, tu as une même action. Tu voulais faire une même action, walakin, elle n'est pas liée. Le début n'est pas lié avec la fin. D'accord ? Il y a eu une interruption. Comme on a dit, tu avais 100 euros. Au début, tu voulais donner 100 euros, mais tu les as donnés à deux personnes différentes. Les 50 euros, fi sabilillah azza wa jal, elle a accepté, il y a eu un début et une fin. Tu as voulu donner les 50 euros, tu as donné 50 euros, la personne les a prises. Ton action, il y a eu un début et une fin. D'accord? Bien qu'à la base, c'était 100 euros. Mais il y a eu une interruption pour les 100 euros. D'accord? Donc, à ce moment-là, on parle de la deuxième personne. Tu lui as donné 50 euros. Là, tu as commencé fi sabilillah, mais après, tu as eu al-riya. Les deuxièmes 50 euros, ils sont annulés. C'est-à-dire al-ajr, la récompense ici, elle est, tu n'auras pas de récompense ici d'après la parole prépondérante des gens de science. Hada بالنسبة للرياء, c'est clair, واضح. C'est-à-dire non, tu ne repaies pas zakat. Voilà qu'il y a la récompense. Ici, tu la perds. Ici, l'action, elle reste. D'accord ? L'action, elle reste, mais c'est la récompense que tu perds. Si ici, toi, tu es venu à zakat et tu as fait pour les gens, yani, tu as fait d'abord fi sabilillah azza wa jal, et tu es venu ici, le fait de vouloir embellir ton action pour les gens, le croyant déjà à la base, il combat ces pensées-là. Il se dit, a'udhu billahi minash-shaytan, je ne peux pas, c'est un acte obligatoire à salat, sinon c'est grave. Donc, il combat ces pensées-là. Ici, rentrer trop dans le wasa où il soit, mais j'ai l'impression, non, on peut pas. Toi, tu as une bonne intention, ne cherche pas à comprendre. Si ça devient, dis, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, le fait de l'avoir dit, c'est une preuve que tu as combattu ces intentions-là. Si la personne, elle doute, elle dit, ouais, mais je pense que moi, au début, mon action, elle est, là, je parle de la personne, son action au début était sincère. Mais après, c'est vrai que j'ai embelli un peu mon action et autres. Nous, on dit, ta zakat, elle a été donnée. Voilà qu'il y a la récompense, on a peur que tu n'aies plus de récompense de zakat. D'accord? Et les effets, yani, du fait d'avoir donné zakat, al-mal, etc., ربما peut-être والله تعالى اعلم واحكم qu'il n'ait plus ces effets, c'est-à-dire le fait que cet argent purifie ton autre argent ou le reste de ton argent, mais ici tu t'es ici on va pas dire débarrassé, mais tu as fait ce qui t'incombait, c'est-à-dire tu t'es acquitté de l'acte obligatoire. Pareil pour salat, etc. C'est-à-dire si l'action on l'a remarqué, il ne faut plus recommencer et demander yani, le pardon pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'istighfar ici pour l'action qu'on a fait qui a été accompagnée d'ostentation, à laquelle on doit s'efforcer à ne plus recommencer, c'est tout simplement. Et ici, comme on a dit, le prophète Hassan, quand il a mis en garde sur ça, il a dit je crains cela plus que le Messie Ad-Dajjal, la finale Messie Ad-Dajjal, c'est qu'on a dit personne n'est à l'abri, mais nous le croyant à la base, le musulman ici, il doit toujours faire l'isti'adha ici, demander chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jalla, etc. quand il a ça. Amma s'il se laisse aller en s'embellissant, c'est que c'est grave. L'action est rejetée. Wal'ayyadu billah. D'accord? Donc, ça c'est concernant al-ikhlas. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Et ça c'est là un rappel qu'on fait et qui se doit de se répéter et comme l'intention se doit de se renouveler à chaque fois. D'accord, on doit, comme disent les gens de science, pour avoir une bonne sincérité, toujours, يعني الإنسان لابد أن يجدد النية دائما. D'accord, قبل الصلاة وقبل يعني قبل الصدقات وقبل أن يتكلم وحتى كما قال العلماء حتى بعد أن تكلم. Même après qu'il ait qu'il ait parlé, qu'il ait dit un mot, qu'il ait dit une parole, il se pose la question et il renouvelle ses intentions. Pourquoi j'ai parlé? Pourquoi j'ai dit ça? Est-ce que c'était vraiment sincère? Avant qu'il parle, pourquoi je veux parler? Pourquoi je veux dire ça? Pourquoi je veux... Et pendant qu'il parle, s'il peut se poser la question, est-ce que je suis vraiment sincère, etc. Mais sans rentrer dans le wasawis. Peut-être j'ai fait une prière, ah non, je crois que j'étais pas pour Allah. Non, mais les choses sont claires. Si tu t'embellis vraiment, t'as le qabd ici qui est là. Les gens te voient, tu le montes ici. C'est clair. Voilà, qu'une cité comme ça, tu dis, oh, mais j'ai l'impression, là, j'ai bougé un peu le doigt, j'ai fait pour les gens. Ça, c'est clair aussi. Ça, c'est de l'exagération. Et ça, on ne rentre pas dans l'exagération. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim ensuite, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Et il dit ensuite, sa mère, il donne plus d'importance à l'Umm, la mère. Sa mère l'a portée, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Allah Azza wa Jalla rappelle qu'on a recommandé, c'est-à-dire Allah Azza wa Jalla a recommandé ici d'agir avec bienfaisance, avec bonté envers le père et la mère. Et ensuite il parle de la mère. Donc ici Allah Azza wa Jalla, il montre que du père et de la mère, qui est le plus important, c'est la mère. D'accord? Pourquoi? Allah va décrire pourquoi. Et il va montrer les raisons pour lesquelles la mère est plus importante que le père. Mais il rappelle au début, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. Donc il rappelle que le père et la mère sont très importants. Mais que la mère est plus importante. Pourquoi? Il va montrer les causes. Et de là, on va voir ici, les paroles du prophète alayhi salatu wassalam qui sont en concordance avec bien sûr Al-Qur'an Al-Karim et particulièrement ce verset coranique. Concernant d'abord les parents et particulièrement la mère, il y a plusieurs hadiths qui le confirment et plusieurs athars qui le confirment, c'est-à-dire de respecter le père et la mère, mais plus la mère. Regarde par exemple ce qui est relaté dans un athar bi sanadin sahih selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu an abi. Un homme est venu questionner Abdullah ibn Abbas, d'accord, alors que Abdullah ibn Abbas était dans une assise. Il lui a dit, ici je voulais épouser une femme, je voulais me marier avec une femme ici que j'aimais, et quand j'ai voulu lui demander, ou quand je lui ai demandé sa main, elle a refusé. Rafadat, elle a refusé. Un autre homme est venu lui demander faire al-khitba, la demande en mariage. Et elle a accepté. Et tellement que ça m'a mis en colère, donc quelque part par jalousie, qu'est-ce qu'il a fait, cet homme-là qui a interrogé Abdullah ibn Abbas? Il l'a tué. Et il lui a dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour me repentir, pour me faire pardonner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu an abi, lui a dit, est-ce que tu as tes parents? Il lui a dit, est-ce que tu as tes parents? Ici, cet homme-là, il a dit, non, je n'ai pas mes parents. Et ici, dans la version en arabe, il lui parle particulièrement de la mère. Il lui dit, est-ce que tu as ta mère? C'est-à-dire, est-ce que ta mère est toujours vivante? Elle est en ta compagnie? Il a dit non. C'est-à-dire, elle n'est plus vivante. Il lui a dit à ce moment-là, alors, repens-toi et demande pardon. D'accord? Toubi l'Allah azza wa jal, wa staghfir, wa akthir min salih al-amal. D'accord? Min al-a'mal al-salihah. Augmente les bonnes actions. Donc il lui dit, Toubi l'Allah, fais ton repentir, avec al-shurut, bien sûr, les conditions du repentir, al-ikhlas, avoir la ferme résolution de ne plus recommencer, regretter ce que tu as fait, et délaisser le péché dans lequel tu es. Wastaghfir, al-istighfar, c'est comme le prophète alayhi salatu wasallam faisait, dans une version, comme j'ai fait sahih, il demandait pardon auprès d'Allah Azza wa Jalla, se repentait auprès d'Allah Azza wa Jalla plus de 70 fois, dans une version plus de 100 fois. De dire par exemple, astaghfirullah, akthir min al-istighfar. Et il lui dit, et augmente les bonnes actions. Comme قال جل وعلا, les bonnes actions dissipent les mauvaises actions. D'accord? Donc ici, un homme qui est venu voir Abdullah ibn Abbas, il lui a dit, pourquoi au début tu lui as dit, est-ce que tu as, yani un de tes parents, est-ce que tu as ta mère? Il lui a dit, Abdullah ibn Abbas, والله لا أعلم عملا أحب إلى الله عز وجل من بر الوالدين. Il a dit, par Allah, je ne connais aucune action qui est plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal que le respect et la bienséance envers les parents. C'est pour ça que quand il a dit cet acte qui fait partie de l'kaba'ir, tuer une personne sans aucun droit, comme قال سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Les serviteurs du miséricordieux, parmi les caractéristiques qu'ils ont, ils ne tuent pas une âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf, d'accord, de bon droit. Ici, il dit, comment réparer ton erreur? Abdullah ibn Abbas à cette personne-là. Il commence en lui disant, est-ce que ta mère est vivante? Il lui a dit non. Donc il est passé à quoi? À tawba, à l'istighfar, ici à augmenter les bonnes actions. Mais il lui a dit, mais pourquoi t'as commencé par ta mère? Parce que sinon, Abdullah ibn Abbas, il aurait dit quoi? Agis avec bienséance et bonté envers tes parents. Car il dit ici, je ne connais pas, wallahi, la a'lamu amalan, je ne connais aucune action, ahabba ilallahi azza wa jal min birri l'walidain, plus aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que le comportement, le respect et la bienséance envers les parents. C'est-à-dire, ça aurait suffi s'il partait vers chez ses parents et qu'il, pour se faire pardonner auprès d'Allah azza wa jal, il agisse et il multiplie les règles de bienséance et le bon comportement envers ses parents. L'importance du bon comportement envers les parents. M'attarder plus longtemps, on pourrait. Voilà que je viens de donner, il y a quelques jours, une conférence sur ton père et ta mère, deux joyaux, pas deux fardeaux. Je vous renvoie à cette conférence que je viens de donner, ici qui rappelle le bon comportement du croyant, du musulman, de la musulmane, envers ses parents. Pour compléter un peu la conférence, je vous rappelle quelques paroles de salaf. Quelques paroles d'ancêtres pieux, que j'avais déjà cité dans une khutba, ici certaines paroles, concernant la bienséance envers les parents. Pour vous dire et montrer comment nous sommes loin, illa man rahim Allah, du bon comportement envers les parents. Et peut-être quelquefois on est dans l'ingratitude, al-uquq, l'ingratitude envers les parents sans le savoir. Alors que le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, comme a dit Sahih Muslim, ala unabbi'ukum bi akbari al-kaba'ir. Wa qalaha alayhi salatu wa sallam thalatha. Le prophète il l'a dit trois fois. Ne voulez-vous que je vous indique ici les plus grands des péchés? Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit quoi ensuite? Il a cité les grands péchés. Et il a dit, quels sont ces grands péchés quand il a cité? Ash-shirku billahi azza wa jal. Ah, l'association envers Allah azza wa jal. L'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Associer qui que ce soit ou quoi que ce soit à Allah azza wa jal. Ash-shirk. Tout de suite après, il a dit quoi? Wa uququl walidain. Regardez. Toujours c'est conjoint, c'est rassemblé. Ça se réunit souvent dans le Coran et la Sunna. Le bon comportement envers Allah avec le bon comportement envers les parents. L'ingratitude envers Allah avec l'ingratitude envers les parents. Là, le prophète, il dit, uququl walidain. D'accord? Alors qu'avant, il a dit quoi? Ash-shirku billahi azza wa jal. Al-ishraku billahi azza wa jal. Wa uququl walidain. Ensuite, Allah azza wa jal, le prophète, il dit quoi? Wash-shahadatu zur wa qawlu zur. Ici, ils ne cessaient de répéter ça jusqu'à ce qu'ils ont dit, as-sahaba radiyallahu anhu wa ardahum laytahu sakat. Si seulement ils s'étaient tus, tellement qu'ils ont eu mal et ils avaient peur, ça leur a fait peur ce péché. Il a dit quoi? Wash-shahadatu zur wa qawlu zur. Et il a cessé de répéter ça, c'est-à-dire le faux témoignage et la parole mensongère. Quelle est la différence entre le faux témoignage et la parole mensongère? Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala wa ghayruhu min ahli al-'ilm, ils ont dit que la parole mensongère, ça englobe ici shahadatu zur. D'accord? Quand on dit parole mensongère, le faux témoignage, c'est une parole mensongère, on est d'accord. Walakin, quelquefois Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa sallam, bien qu'une chose, un acte, englobe un autre acte, il les dissocie. Pourquoi? Pour mettre l'accent et montrer la gravité ou l'importance de l'autre acte, qui fait partie du premier acte général. D'accord? Par exemple, Allah azza wa jalla dit dans le Coran al-Karim, إياك نعبد وإياك نستعين. D'accord? إياك نعبد وإياك نستعين. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux paroles? Mohamed? Barakallahu fi. Comme on l'avait vu dans le tafsir de sourate al-Fatiha. Allah Azza wa Jalla dit إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة تدخل في العبادة. Ça rentre dans l'adoration. الاستعانة, c'est toi que nous adorons. D'accord? Et wa iyyaka nasta'in, ça veut dire quoi? Voilà, on implore le secours auprès de qui? Auprès d'Allah Azza wa Jal. On implore le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et implorer le secours d'Allah Azza wa Jal, ça rentre dans quoi? C'est toi que nous adorons, ça rentre dans l'adoration. Mais ici, Allah Azza wa Jal a séparé al-isti'ana de al-ibada pour mettre l'accent et montrer l'importance de إياك نستعين. Le fait d'implorer le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala auprès d'Allah azza wa jalla, pas auprès des gens. On est d'accord. Pareil ici. D'accord? والشهادة الزور وقول الزور. قول الزور. Ici, شهادة الزور, ça fait partie de قول الزور. Mais il a détaché pour montrer l'importance et la gravité plutôt de ce péché qui est le faux témoignage, qui fait partie du parole mensongère. Donc, tout ce qui fait partie des grands péchés, c'est toute parole mensongère. Toute parole mensongère. Clair? Donc ici, il y a un avertissement grave sur عقوق الوالدين. Est-ce qu'on tombe dans عقوق الوالدين sans le savoir? Écoute ces paroles de Salaf. فأحد السلف, il disait, Wallahi, que si on me demandait de décrire mon père, je ne pourrais même pas le décrire physiquement. Si on me demandait de décrire mon père, je ne pourrais pas décrire mon père physiquement. Ils ont dit pourquoi? Il a dit, car je n'ai jamais osé regarder mon père droit dans les yeux. Je n'ai jamais osé regarder mon père droit dans les yeux. Quand maintenant, au jour d'aujourd'hui, les gens, ils regardent leurs parents, « Oh, c'est bon, laisse-moi tranquille. » Ou « Tais-toi. » D'accord, un petit test pour voir si je suis normal ou pas, ou si vous êtes normaux ou pas. Le fait de dire... Non, attends, on va faire le test après. On continue. Ibn Sirin était réputé pour sa bonté envers ses parents, et particulièrement envers sa mère. Il est rapporté qu'il n'élevait jamais la voix devant elle lorsqu'il lui parlait. Jamais. Ici, son timbre de voix, il était toujours, ou alors... Yani, sa voix, il ne l'ossait jamais au-dessus de la voix de sa mère. Il ne s'adressait à sa mère qu'humblement et à voix, toujours à voix basse, pour pas la brusquer. Pour pas la brusquer. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah, il le dit. D'accord, ne leur dis pas ouf. Oh, juste ouf. Regardez comment il est. Regardez le terme qu'Allah, il a utilisé, juste ouf. Regardez juste ce bruit. Ouf. C'est interdit. Envers les parents. D'accord? Et tout terme qui ressemble à ce terme ouf, c'est interdit. Comme disent les gens de science, ce n'est pas simplement ouf qui est interdit. Mais c'est un exemple qu'Allah Azza wa Jal dit, et c'est une petite parole très petite, d'accord? Walakin, qui peut t'amener ou être la cause de ton entrée en enfer, wal'iyadu billah. Pareil que toutes les autres paroles qui sont dites à l'encontre de tes parents. Fala taqul lahuma ouf, wala tanharhuma, ne les brusque pas. Wa qul lahuma qawlan karima, et dis-leur des paroles douces, gentilles, agréables. Clair? Et il dit, Ibn Sirin, un homme entendant Ibn Sirin parler à sa mère, il demanda, Ibn Sirin est-il tombé malade? Pourquoi? Il parlait tout doucement. Ils ont dit, ah, peut-être il a plus de voix, miskin, à force de crier, comme nous souvent. Peut-être il a plus de voix, il est malade. Ils ont dit, non. D'accord? Simplement, c'est la voix qu'il a quand il s'adresse à sa mère. Il parle tout doucement. Masha'Allah. Et ici, le prophète alayhi salam dit, comme a dit fi sahih muslim, retenez bien ce hadith, il n'y a pas une chose qui est accompagnée de douceur sans que cette chose ne soit embellie. Et il n'y a pas une chose, d'accord, dont, ou qui est accompagnée de dureté sans que cette chose soit illa shana, sans que cette chose soit enlaidie. La douceur, ça embellit la personne. Ça embellit l'homme, ça embellit la femme. Le fait de parler tout doucement. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam parle tout doucement. Il a dit, tazawwajul wadouda al-walud. Prenez pour ici, épouse des femmes qui sont al-wadoud. C'est quoi al-wadoud? La femme qui est douce. D'accord? Qui est affectueuse, qui est douce. Al-wadoud al-walud. D'accord? Donc c'est la femme qui est douce quelque part, qui n'est pas brusque, qui n'est pas violente, qui n'est pas agressive. Et on se doit de parler avec douceur. Sauf dans certains cas. Comme le prophète le faisait. Quand il faisait khutbatul jumu'a. Donc c'est pas, on agit avec ignorance. On a dit, bah, il faut parler doucement. Non. Il y a des moments où il faut hausser le ton. Il y a des moments où il faut parler doucement. Mais la règle de base, c'est que tu parles doucement. Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, il a rapporté qu'il embrassait à chaque fois la tête de sa mère. Tout le temps, dès qu'il voyait sa mère, il embrassait la tête. Ça, c'est un comportement qu'on doit avoir. Quand tu vois tes parents, tu leur passes le salam en embrassant leur tête. D'accord? C'est pas si tu le saluais ou alors tu le fais comme ça, comme si c'était ton pote. Masha'Allah. De citer comme des jeunes. C'est pas ça, ouais, ça va, tu vas bien. Tu lui embrasses sa tête. D'accord? Si tu peux embrasser ses pieds, fais-le. Il n'y a pas de mal. Bien au contraire. Et ici, Talq ibn Habib, il disait, je détestais savoir, quand il habitait chez lui et qu'il y avait un étage, marcher à l'étage quand je savais que ma mère était au rez-de-chaussée. Il disait, c'est un manque de respect envers ma mère. Pourquoi? Parce qu'il était au-dessus de sa mère. Subhanallah, ajib. Les gens, ils vont se dire, mais c'est un autre monde, ça. Juste parce qu'il était à l'étage, voir sa mère au rez-de-chaussée, et marcher comme ça, savoir que sa mère, elle était au rez-de-chaussée. Je détestais. Ce n'était pas le seul. Écoute ce que disaient les salafs. La mère d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anha, demanda de l'eau au cours d'une nuit. À Abdullah ibn Mas'ud, va me chercher de l'eau. Abdullah ibn Mas'ud, il est parti. Naam. Et quand il est revenu, il a vu sa mère en train de dormir. Qu'est-ce qu'il a fait, Abdullah ibn Mas'ud? Il est resté tenir l'eau et il est resté attendre sa mère ici jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et quand elle s'est réveillée, il lui a donné de l'eau. Pendant des heures, elle dormait, il est resté attendre. Elle s'est réveillée, il lui a donné. Il l'a pas réveillée. Un autre monde. C'était quoi, des martiens? C'était des êtres humains? C'était des êtres humains. C'était sahaba, radiyallahu anhum, wa ardahum, et ce n'était pas le prophète. Que dire du prophète, alayhi salatu wassalam? On demanda à Ali ibn Hussein, ibn Ali radiyallahu an, tu es parmi les hommes les plus dévoués envers leurs parents. Tu es parmi les hommes les plus dévoués envers leurs parents. Et nous ne te voyons jamais manger avec ta mère. Ajib. Tu es parmi les personnes les plus respectueuses envers leurs parents, mais on te voit jamais manger avec ta mère. Comment ça se fait? Il dit quoi? Il répondit, j'ai peur que ma main ne se précipite sur ce que son œil visait déjà et qu'ainsi j'ai fait preuve d'ingratitude envers elle. Il a dit, j'ai peur de manger avec elle et que je vais manger un endroit ou une partie du repas alors que ma mère l'avait vu, elle voulait le manger et j'ai peur à cause de cet acte-là tomber dans al-uquq, l'ingratitude envers les parents. Et il dit, sachez qu'il y a encore très peu de temps, il y avait une communauté chez laquelle on ne trouvait pas de personnes qui habitent à l'étage au-dessus, alors que leur mère habitait à l'étage au-dessous, par crainte de tomber dans l'ingratitude et par respect envers leurs parents. Regardez ici le degré qu'ils avaient atteint. Et ça c'est, as-salaf radiyallahu anhu wa ardahum. Billahi alaykoum, on fait un test. Maintenant quelqu'un qui dit à son père, tais-toi. C'est un manque de respect, c'est l'uquq ou pas? Vous levez la main, ceux qui disent que c'est l'uquq, ça rentre dans l'uquq. Quelqu'un qui dit à son père, tais-toi. C'est quelque chose de grave ou pas? C'est de dire tais-toi à tes parents. De dire chut à tes parents. Pourquoi vous rigolez tous? Ajib, subhanallah. On dirait à des gens, je ne sais pas comment ils parlent à leurs parents. Donc, vous levez tous la main, ceux qui disent que ça, pour eux, ça fait partie du manque de respect envers les parents. De dire chut. Khalas. Masha, alhamdulillah. Combien disent chut à leurs parents? Comme s'ils parlaient à un âne. C'est vrai ou pas? Ça existe ou pas? Alhamdulillah, tout le monde a levé la main. Alhamdulillah. Quelqu'un dit tais-toi. Comment? Juste ça. Quelqu'un a dit, ouais, mais il n'y a pas de verset coranique qui est interdit de tais-toi. Fala taqul lahuma ouf. Si Allah il dit ouf, ce n'est pas que ouf. Ça, c'est pour montrer qu'il n'y a presque pas de parole aussi petite que celle-là. Et cette petite parole, tu peux pas. Que dire des paroles plus longues? Tais-toi, laisse-moi parler, tu me casses la tête, ceci. C'est pire. D'accord? Fala taqul lahuma ouf. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Déjà maintenant, quand il parle avec les parents, pour eux, c'est pas la gratitude ça. Regarde comment il réagissait. Je mange pas avec ma mère par crainte que je prenne une partie du plat ou que je mange dans une partie du plat alors que ma mère, elle avait vu cette partie de cette viande par exemple ou de ce repas qu'elle voulait manger. J'ai peur de tomber dans la gratitude. Alors que nous, on a tout banalisé. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ. C'est pour ça que Anas disait, et le athar est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, vous faites des actions qui pour vous sont aussi fines. Aussi fin que quoi? Qu'un cheveu. Alors qu'à l'époque du prophète, alayhi salam, on est considéré comme al-mubiqat, c'est-à-dire al-muhlikat, les destructrices, wal-iyadu billah, les grands péchés, wal-iyadu billah. Et ça, s'il l'a dit à son époque, que dire de nous à notre époque? Naam. Ça, on va rentrer dans les détails dans ça, bien sûr, parce que tout ça, c'est expliqué ici, dans le Coran al-Karim, et particulièrement dans Sourate al-Luqman, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle comment on doit les respecter. Pourquoi, et dans les détails, et quelles sont les trois raisons principales qui font qu'on doit respecter plus la mère. Il va les détailler, et on va voir que c'est conforme à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, mais il nous rappelle après cette règle, à travers un verset coranique, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Mais comment réagir ici, face aux injustices données par les parents, tout ça on va dans les détails, mais c'est très long. Et ici, Allah al-Musta'an, mais le temps, il passe très vite. Et on verra ça, incha'Allah ta'ala, dans le prochain cours concernant la suite. Et on va parler aussi dans les détails de l'allaitement. L'allaitement, Allah a parlé de l'allaitement dans le Coran, al-Karim, est-ce que c'est obligatoire ou pas dans la femme, à partir de quel moment elle doit laisser, etc., etc. Donc tout ça, on va le voir, bihawlillah azza wa jal, dans les prochains cours. Et on se retrouve demain, bihawlillah azza wa jal, entre le Maghrib et l'Isha, avec des questions-réponses en direct. Wa jazakumullahu ana kulla khair, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.